La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de cette lourde sanction qui est tombée ce matin chez les Gaillards de Jonquière. 23 joueurs ont été suspendus pour le match numéro 1 qui devait avoir lieu à la Pocatière. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a décidé d'y aller avec cette décision que moi je trouve très très sévère? On en parle avec le directeur général Rénal Thibault. Bon matin, M. Thibault. Bon matin, vous allez bien? Vous allez bien. M. Thibault, d'abord, 23, vous avez décidé ce matin de suspendre 23 joueurs. On connaît toute l'initiation de cette histoire-là et ainsi de suite. Pourquoi avoir été aussi sévère? C'est l'opinion que vous en avez par rapport à l'aspect sévère de la sanction. Faut juste savoir qu'elle s'inscrit à l'intérieur d'un cadre, des encadrements avec lesquels on travaille, comme établissement public, nous, ici au Cégep de Jonquière, mais l'ensemble des cégeps, et aussi également avec les valeurs du Cégep. Il y avait déjà beaucoup de sensibilisation qui avait été faite et de l'information qui avait été véhiculée à l'intérieur du Cégep par rapport à ce type d'activité-là, par rapport à ce qui était accepté ou pas. Et en ce qui concerne l'activité en question, même si... très fort pourcentage, 90% de l'activité s'est bien déroulée parce qu'il n'y a pas eu de bruit, ça n'a pas dérangé. Ce sont des jeunes qui ont fait les choses d'une façon très, très correcte. Mais ce qui est apparu, c'est pourquoi les médias nous interpellent, ça a franchi la ligne à ne pas franchir, là, à savoir le non-respect des encadrements en lien avec la politique pour contrer la violence à caractère sexuel et les valeurs au cégep. Les 23 joueurs, oui, les 23, parce que ce sont les 23 qui ont vu à l'organisation de l'activité en question. Et cette décision-là a été prise de concert avec l'ensemble des personnes impliquées et nous, on est tout à fait confortables. Puis l'idée d'y aller pour un match plutôt que d'étirer ça dans la saison, c'est qu'on veut justement que ce soit réglé rapidement. Puisque les 23 joueurs ont été suspendus pour le premier match, ça nous met dans l'obligation de ne pas nous présenter au match à la Pocatière puisqu'on aurait seulement une vingtaine de joueurs de première année qui auraient pu aller au match. Et sur l'aspect sécurité, c'était pas une bonne idée. Ça fait que, en accord avec le RSAQ, qui cautionne aussi l'idée de ne pas envoyer 20 joueurs à question de sécurité, le match, on le perd par défaut. Mais, Monsieur Thibault, vous êtes conscient que quand même, la question que j'ai envie de vous poser, c'est des jeunes de 18, 19, 20 ans, c'est sûr que c'est des initiations, c'est ainsi de suite. Mais qui a pas fait de conneries à 18, 19, 20 ans, Monsieur Thibault? L'idée n'est pas de faire ou pas des conneries. L'idée est que quand on fait des conneries, c'est vous qui les appelez comme ça. Moi, je pense que ils l'ont échappé celle-là. Tu dois assumer les responsabilités. Tu dois assumer ce qui vient avec la connerie que tu fais quand vous parlez de conneries. Moi, je pense que les jeunes doivent assumer les gestes qu'ils ont posés. Et à cet égard-là, on est tout à fait à l'aise avec la sanction. Et si on n'avait pas bougé, si on n'avait pas émis une sanction de cette nature-là ou de cette ampleur-là, comme vous le dites, il y aurait eu des gens qui n'auraient pas été d'accord en disant qu'on est une maison d'éducation qui n'est pas responsable et qui laisse faire n'importe quoi. Là, on bouge, il y a d'autres types de réactions. C'est la beauté de la démocratie, c'est la beauté de la libre expression, puis on vit bien avec ça. Mais notre niveau de confort avec l'adhésion est très grand, d'autant que ce matin, j'ai été interpellé par le ministère de l'Éducation en lien avec l'événement, bien entendu, et le ministère voulait savoir qu'est-ce qui avait été fait ici au Cégep par rapport à l'information, par rapport à la sensibilisation, par rapport à ce qu'allait suivre et par rapport à la hauteur de la mesure. Puis je vous dirais que pour le ministère, comme pour nous, on est très, très confortable. On me dit que ça fait depuis plusieurs années que ça durait, ce genre d'initiation-là. Est-ce que vous étiez au courant? Non, parce que si on avait été au courant, on aurait agi. On peut pas agir sur ce qu'on ne sait pas. Et je vous assure que quand on est au fait d'une situation, on est au fait d'un événement, on agit, mais on peut pas rétroagir sur les choses du passé. OK. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le club? Parce que les Gaillards, année après année, c'est une équipe très, très compétitive. C'est une équipe qui a gagné le bol d'or l'an passé. C'est une équipe, encore une fois, qui, je pense, qui peut aller très loin. Pensez-vous que ces incidents-là vont avoir un impact sur le club? Ben, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on a un prochain match qui va être le 31 août ici contre le Cégep de Victoriaville. Je me permets de croire que les joueurs ont l'énergie pour 8 matchs à jouer en 7 matchs. Je suis persuadé d'une chose, qu'ils vont être très déterminés. J'ai eu l'occasion de rencontrer hier tous les joueurs ainsi que tous les entraîneurs. On a échangé pas mal. Je peux vous confirmer que j'avais devant moi une gang de jeunes motivés pour les études, motivés pour leur sport. Et ce sont de beaux jeunes qui sont vraiment pleins d'énergie. Moi, je pense que ce type de sanction-là et l'unité que j'ai sentie dans l'équipe vont faire en sorte que les joueurs vont vraiment être au rendez-vous le 31 août prochain. J'ai grandement confiance que les joueurs ne se laisseront pas distraire par ce qui vient d'arriver et comprennent bien comme organisation, on n'avait pas le choix d'agir en ce sens-là. Puis c'est un message qu'on envoie, oui, aux joueurs, mais aussi à l'ensemble de la communauté collégiale et au public. On est une maison d'enseignement responsable qui est cohérente avec ses valeurs. Vous me dites que vous avez rencontré les entraîneurs, vous avez rencontré les joueurs hier. C'était quoi leur réaction quand vous avez... Puisqu'hier, c'était juste une menace. Là. Il n'y avait pas de... La nouvelle n'était pas tombée. C'était quoi leur réaction? Ben, c'était plus qu'hier, c'était pas mal tombé, là, mais ouais. L'idée était de les rencontrer pour qu'il y ait l'occasion de s'exprimer, pour que moi j'ai l'occasion d'expliquer les fondements et tout ce qui découlait et qui nous permettait d'aller jusque-là en termes de mesures disciplinaires. Je pense que le message a été compris. Ça les amène pas à être d'accord avec la décision. Si j'avais été un joueur, je serais pas d'accord non plus. Mais comme organisation, on peut comprendre que les joueurs ne soient pas d'accord. Mais en ce qui nous concerne, avec toute l'information qu'on avait, on est convaincu que c'était la meilleure chose à faire. Puis, je pense que c'est important que je rencontre les joueurs pour leur permettre d'échanger, de comprendre ou au moins de m'entendre sur les raisons qui nous ont amenés à aller jusque-là. Et moi, de les écouter puis de leur expliquer. Je pense que c'est une saine gestion d'événements. Vous parlez on parle d'éducation, d'instruction puis ainsi de suite et d'éducation. Est-ce qu'il y a une formation pour les jeunes comment se comporter sur les médias sociaux? Absolument. Et je vous remercie pour la question. D'ailleurs, dans le cadre de la politique pour contrer la violence à caractère sexuel, cette dimension-là est abordée aussi. Et c'est une formation qui est obligatoire maintenant et qui est donnée à l'ensemble des étudiants de première année, là, mais aussi du personnel, sur tous les impacts de, la dimension sexuelle, mais aussi les véhicules, les nombreux véhicules que représentent les médias sociaux et les impacts que ça peut avoir. OK. Ben, là, Thibault, on espère que ça va avoir un impact, que dans 2-3 semaines, ça va n'être que du passé. Puis, je suis pas nécessairement d'accord avec la décision, mais au plaisir de se reparler. Ben, ça me fera plaisir, puis vous allez voir. Moi, j'ai confiance en notre équipe, puis on a une bonne équipe qui a 2 bols d'or en 3 saisons, puis... on n'a pas de raison de penser autrement encore cette année. Le directeur général du Cégep de Jonquière, Renald Thibault.